18 au 22 juillet, c'est le méga week-end de golf au club de Saint-Prime en collaboration avec Toiture Hillman. Participez au concours de Long Drive le vendredi 21 juillet et courez la chance de vous envoler pour Las Vegas. Informations et inscriptions ou pour l'horaire de la fin de semaine, consultez notre page Facebook ou notre site Internet au www.golfsaintprime.qc.ca. Le club de golf de Saint-Prime, 418-251-2831. Pour vos différents travaux en mécanique, l'équipe de Jean Lapierre Mécanique est la solution. Une équipe d'experts qui saura bien vous conseiller et à prix fort compétitif. De plus, nous faisons la réparation et la vente de remorques et nous sommes autorisés de la marque Gator. Jean Lapierre Mécanique, 448 Principal à Saint-Prime. 418-251-1394. Toute notre équipe est fière de commanditer la chronique de Dominique Godbout de Deck Hockey de Saint-Prime et souhaite une bonne année à tous les joueurs. On va parler de Deck Hockey à Saint-Prime. Ça fait un petit bout de temps qu'on n'a pas parlé de Deck Hockey. Ça va bien, surtout une belle soirée comme à soir. J'imagine que ça va être le fun de jouer au Deck Hockey. On en parle avec Dominique Godbout. Cette chronique est commanditée par le garage Jean Lapierre de Saint-Prime en passant. Bonjour Dominique. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien, ça va bien. Hey Dominique, je rêve-tu, mais ça va être, une soirée super pour le Deck Hockey à soir. Là. Il fait quoi, 25 degrés ensoleillé? Exact. Pas d'humidité aussi, donc pour les joueurs, moins collants aussi, puis des petits courants d'air pour être très appréciés sur la surface. Ouais. Avant tout, qu'est-ce qui est le fun, c'est que la surface va être sèche, pas mouillée aussi, parce qu'une petite rosée change pas mal la donne, mais on est pas mal chanceux à ce niveau-là, jusqu'à venir dans cette saison-ci, parce que il n'y a pas eu beaucoup de games à être annulés. C'est des fois, il y a une petite pluie, mais les gars, on laisse passer la pluie, puis on recommence après, puis ça se fait bien. Ouais. On est dans une belle place, un beau microclimat pour ça. Ben oui. Dis-moi, t'as-tu bien des matchs? Parce qu'on a le fait qu'on avait parlé, tu disais normalement, ça prend une bonne averse pour arrêter. Il n'y a pas eu de... Je pense qu'il n'y a pas eu trop d'orage parce qu'on a, du côté chaleur, c'est une semaine quand même, c'est un été quand même où il n'y a pas trop de chaleur. Là. En fait, la grosse problématique, c'est vraiment au niveau de quand il y a des éclairs, du tonnerre, c'est là que ça commence à être dangereux parce que la structure métallique, les poteaux des buts, ça peut être dangereux pour les joueurs. Il y a une soirée la semaine passée qu'il y a eu un orage, un gros orage avant de commencer, la grêle, c'était le sien aussi, tout ça. Après ça, la soirée a bien été, puis à la fin, ça a recommencé à tomber. Bon, on était rendu à la troisième période, puis moi, j'étais avec les arbitres, puis si ça met ça dégénère, on arrête ça, c'est trop dangereux. Mais les équipes, une fois qu'ils sont partis, sont vraiment ouvertes à ça. Au début, c'est sûr qu'ils trouvaient ça peut-être raide un peu de jouer sous la pluie. Mais ils se sont habitués, puis on a fait rentrer aussi au Pro Shop des souliers faits pour ça, pour la pluie. Okay. Je pense que le monde va essayer ça, puis ça va aider aussi. OK. Dis-moi maintenant, là, les ligues, comment ça va, les ligues? Là? La dernière fois qu'on s'est parlé, ça va. Là, les ligues. Ouais. Ouais, là, les ligues, on est rendu première semaine de série cette semaine. Selon le calibre, le format du fer, parce que là, on a les 35 ans et plus qui sont 4 équipes, les filles qui sont 4 équipes. Donc, nous, on fonctionne avec un 2 matchs minimum. Donc, la première, on peut gagner, perdre, sans que ça aille de l'impact comme tel. C'est la deuxième qu'on peut pas perdre. Donc, les filles, là, la finale est déjà cédulée. Les demi-finales des 35 ans et plus sont ce soir. Les autres classes de jeunes, les autres classes d'adultes, j'ai 7 équipes. Donc, un mini run rapid selon la position. Exemple, premier puis deuxième vont jouer contre les 6 et 7. Donc, la position de classement leur donne un avantage. Puis après ça, on prend les 4 premiers puis on fait les demi-finales. Okay. Donc, c'est sûr que ça diffère au niveau du nombre d'équipes parce que selon le nombre d'équipes, le format, il change. Mais là, on est en série cette semaine. Les finales sont mercredi soir prochain. Toutes les qualifs, toute la même soirée. OK. Y a-t-il une parité? Je sais qu'à un moment donné, il y en a une qui a manqué une boîte à dit de voler, là, 17 à 0, quelque chose de même. Là. Dans l'ensemble, y a-t-il une bonne parité? En fait, c'est pas si pire. Exemple, je vais prendre l'exemple de. On a une équipe d'agents libres qui a commencé dans la classe B, qui aurait dû probablement commencer dans la classe E. Moi, j'ai remplacé un peu avec eux comme gardien, comme joueur. Puis hier, on a fini sixième, on a joué contre la deuxième position. On a perdu 6-4 avec un but dans un filet désert. Puis les gars, au bord, ceux qui disaient, vous allez minorer, ça va bien. Puis ça a été un match serré. Fait que c'est le fun. Puis en plus, les gars qui se sont écrits tout seuls, qui ne connaissaient pas nécessairement, ben on s'est formé une équipe pour la deuxième saison. Fait que c'est rare que ça marche comme ça, les agents libres. Ça peut marcher pour une saison. Mais la saison après, que ça continue, ça, c'est vraiment le fun, encourageant pour ça. OK. Parlons maintenant du côté de la deuxième saison. Puis après ça, on va parler du tournoi de golf. Pas du tournoi de golf, mais du gros tournoi, excusez-moi, là, parce que je sais que tu joues au golf après-midi. La deuxième saison qui débute au mois d'août, comment ça va marcher? C'est-tu le même principe? Deuxième saison, la grosse différence, on avait affiché le 5 août le début. On commençait ça un peu plus tôt parce qu'on a pas mal de jeunes aussi qui vont jouer au hockey puis on voulait finir ça pas trop tard non plus. Mm. Fait que comment qu'on va marcher la deuxième demi-saison? 35 ans et plus, eux, la grosse particularité, c'est ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont choisir 8 gardiens que eux vont être assignés à des équipes. Puis après ça, on fait une espèce de repêchage. Tous les joueurs intéressés peuvent s'inscrire. Mm. Les joueurs qui avaient déjà une équipe, le capitaine peut garder ses joueurs de la saison actuelle. Mais après ça, on complète avec des agents libres. Ceux qui vont être repêchés, c'est un coût fixe pour la saison, pour eux, par rapport aux adultes, que c'est le prix de coût par équipe. Mais la personne qui paye son abonnement pour la saison, ça coûte 150 pour la saison, elle peut aller remplacer des autres équipes parce que dans les 35 ans et plus, c'est accepté parce que des fois, il manque des joueurs comme ça. Okay. Puis on laisse la porte ouverte aussi à des remplaçants qui, eux, vont payer 10$ de la partie pour venir voir l'expérience un peu de quand ils s'impriment tout ça. OK. J'imagine que les inscriptions, ça va-tu pas mal être la même clientèle que la première ou tu risques d'avoir une différence? Des fois, c'est plus au niveau d'une équipe qu'il y a des joueurs qui partent, puis une autre équipe, des joueurs qui partent, qui vont se fusionner ensemble. Mais ça va rester principalement les mêmes personnes, je pense. Peut-être des nouvelles équipes aussi, parce que depuis qu'on est ouvert, il y a du monde qui sont venus un peu recarter, tout ça. Je pense aussi qu'il y a des jeunes que peut-être qu'eux, au niveau de la deuxième saison avec l'hockey sur place, peut-être qu'ils vont en manquer trop. Ben, il y a le principe de location aussi qu'on essaie de développer. Une location, oui, pour le fun, mais à chaque semaine, des jeunes, une gang de deux équipes environ. Nous, on peut leur fournir un arbitre, un marqueur, faire une ligue aussi, tant que ce soit des parties stipulées à l'avance. Et eux peuvent décider des heures puis se faire une partie aussi. Ça, c'est le fun pour ça aussi. OK. Donc, c'est pas mal intéressant. Hey, gros tournoi, j'imagine que c'est en fin... C'est-tu en fin de semaine, le gros tournoi? Non, la fin de semaine de la traversée. On a encore du temps un peu. Moi, j'ai reçu pas mal d'appels cette semaine. Ça commence à y penser. Parce que, au décoqué de ce temps-ci, en fait, dans les deux dernières années, les tournois sont tellement en explosion que c'est sûr qu'une fin de semaine, il y a un tournoi. Une fin de semaine, il y en a un autre. Une fin de semaine, il y en a un autre. Fait que, tu sais, les équipes, ils font leur tournoi, puis la semaine d'après, ils font comme, OK, quel tournoi qu'on pourrait faire. Fait que, les inscriptions, le monde, c'est pas nécessairement d'avance, ils vont regarder ça. Mais là, j'ai pas mal d'appels, justement, du monde de Québec qui veulent monter aussi. Puis, je pense qu'il y a un show des Cowboys fringants aussi, cette fin de semaine-là. Ouais. Fait que ça, c'est un bel attrait pour le monde de Québec aussi. Ben, c'est bravo. Ben, Dominique, on sort. Oui, continue, hein. Oui. Ben, il y a aussi le fait aussi pour les équipes de l'extérieur. C'est sûr qu'avec la semaine de la traversée, au niveau de l'hébergement, c'est plus difficile d'avoir un hôtel. Mais nous, avec le terrain de soccer qui est à côté, ben, on offre aux équipes qui peuvent planter leur tente, tout ça. Ben, ils sont proches du site un peu, quand même, puis ils peuvent passer la fin de semaine là, avec la plage proche, le golf proche, plein d'activités à faire aussi. Ça, c'est le fun de tout ça. OK. Ben, bravo, merci beaucoup. Puis on espère qu'on va se reparler la semaine prochaine, Dominique, parce qu'il y a un gros tournoi, puis on va être en fin de saison. Exactement. Notre collaborateur Dominique. En fait, demain, on fera le. Ouais. Semaine prochaine, on pourra faire le bilan de la saison un peu. Oui, effectivement. Les équipes gagnantes. C'était une période de rodage. On se contente pas d'histoire. Là. C'était du rodage là, la première fois. Là. Exact. Ben, c'est aussi une façon de dire. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui me demandaient pourquoi pas avoir fait une longue saison complète. Parce qu'une longue saison complète au décalqué, pour commencer, c'est un pari quand même dangereux. Mm. Parce que là, tu sais, justement, les équipes qui sont trop fortes dans une classe, ben là, après ça, la deuxième moitié de saison, on sait leur calibre, on est capable de les calibrer, on est capable de s'ajuster aux besoins, au nombre de parties. C'est sûr que l'an prochain, ça va être une saison complète, c'est mieux pour tout le monde. Mais là, pour commencer, je pense que l'option la meilleure, c'est vraiment de faire deux début de saison. Votre tableau, tu voulais pas trop en parler, la dernière fois qu'on s'est parlé, là, ça va bien, là? Ouais, ben le tableau, c'est en fait, parce qu'on dépend aussi. C'est une nouvelle technologie pour eux aussi. Ben là, c'est bien. Le gros tableau marche. On peut insérer des publicités, des logos des équipes au besoin. C'est parce que eux, tu sais, évoluent au rythme qu'on va évoluer aussi, parce qu'il y a des possibilités, mais eux commencent à développer ça comme nous, on commence à développer ça. Mais qu'est-ce qui est le fun, moi, de mon côté, c'est que les applications qui sont reliées au décorqué, que j'aimerais avoir des fonctions, ben je peux leur en parler, puis ils peuvent développer ça avec nous. C'est sûr qu'ils partent, la case départ, mais en étant le premier centre qu'on a vraiment cette technologie-là, on a le luxe de, si on, il y a des éléments qu'on voudrait, qui pourraient être utiles à d'autres centres après, ben on peut les faire développer par eux. Ça, c'est bien pour ça. OK. Donc, on rappelle évidemment, on s'en reparle la semaine prochaine, c'est les finales, et merci, Dominique. On rappelle que cette chronique est commanditée par Jean-Lapierre Mécanique de Saint-Prime. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dominique, pour s'en reparle. Merci beaucoup. Voilà, Dominique Gribou.